De bain, c'est la réverbe de Arturia. C'est la réverbe de Arturia. Ah, mais ma voix, la voix, c'est la réverbe de Reaper. Réa, ah non, c'est un délai, pardon. C'est un délai. C'est un délai de Reaper. Mais RIP, je sais pas, il faut tasser les effets. Moi, je suis pas technicien du son. C'est Reaper. Je sais pas si tu connais les effets sur Reaper. Moi, je connais rien. Tu parlais du piano ou de la voix? Sinon, c'est le réverb du piano. Je sais pas compris. Et il y a 64 mesures. Alors, pour qu'on s'entende, ça va être compliqué. Jouer du piano debout. La voix, ah ouais. Tu la pousses à fond. Écoute, moi, si tu veux me proposer une réverb, je l'accepte volontiers. Et j'accepterai volontiers tes conseils. Si tu peux me proposer une meilleure solution, je serai enchanté de pouvoir installer une bonne réverb bien réglée avec des conseils de professionnels. Mais bon, personne ne me conseille. Calimero, personne ne me conseille. La voix, tu la pousses à fond. 1, 2, 3. J'ai essayé de mettre un truc qui ne dépasse pas moins 12 dB, mais j'ai pas compris comment ça marche. Alors j'ai mis j'ai mis Réa Comp. La voix. Voix, we play next. Take a rest. Nice jump. Non, je crois que ça y est, ils sont décrochés. Oh bref. Moi j'entends pas, alors je peux jouer. J'entends pas de musique, je peux jouer. Ça vous dérange pas? We can try it faster sometime. à camp. C'est une reverb ou un délai qui est trop poussé. Ah. Alors, attends, je vais aller voir. Et... Top. Do, mais alors il n'y a plus de reverb là. Verbat, il y a plusieurs presets et je suis en mix live parce que c'est mix live. Tiens, intimate vocal, intimate vocal. Alors ça c'est une reverb. Oh, c'est moche comme reverb. Alors après on a discrète room. En une reverb discrète, une petite pièce. Oh, j'aime pas cette reverb. J'aime pas cette reverb. Et celle-là, elle est mieux. J'aime bien celle-là, la mix live. C'est bien ça, mix live. C'est déjà réglé. Ça va là? Ça va ou c'est pas bien? Monsieur de Balbas. Ah, c'est nul ça. Ça chie. Bon, allez, c'est l'heure de l'apéro là. Vous mangez pas, les gars ? Vous mangez pas, les musiciens ? Je me pose une question. Vous mangez à quelle heure ? Moi, je suis un gourmand, j'aime bien manger, je ne sais pas vous. Ça fait drôle parce que là, je suis en vacances. C'est pour ça. Ah, il y a Karma. J'aime bien Karma. Karma grise. Grise, c'est un ours.